après chaque virée, ils comptent leurs blessés, et c'est dans la bière qu'ils soignent leur misère. On continue à creuser l'aspect française avec la formation francilienne de black metal bien crado, Vortex of End. Ils sortent leur nouvel effort studio Aberrant Fervor chez Osmos Productions. Et dans la foulée, Godfather pour un heavy stoner rock qui nous sort un nouvel album studio Monster Truck. L'album est également déjà disponible. Vortex of End, on s'écoutera le titre Cascades of Epiphanies. Godfather, on s'écoutera le très sobre In Your Face. Et enfin, pour clôturer l'aspect française, on va s'écouter une très très bonne et très crade doublette Meur, formation de Power Violence Grindcore Noise One Man Band, formation francilienne bah, depuis peu, parce que dedans on retrouve eh bien, un des guitaristes de Hecate ou encore Ostium, et plus récemment son projet déjà solo Ain de Hébraïque Black Metal. Rapture, c'est le nom de ce premier EP ultra efficace, et dans la foulée le Heavy Hard de Iron Lizard avec un extrait de leur nouvel effort studio Hungry for Action. On s'écoutera le morceau No Escape, et juste avant une doublette pour Meur avec le morceau Broken et Acceptation. C'est parti. Retour à la diff internationale avec tout d'abord Creeping Death, groupe du Texas pardon, qui nous fait du Death Hardcore, formé en 2015. Ça s'inscrit parfaitement dans la lignée des Get Creeper et autres Xibalba. C'est bien lourd, bien massif dans le son. un EP 6 titres qui réunit 3 nouveaux morceaux et 3 anciens, extraits d'un EP sorti en 2016, donc là avec une plus grande visibilité. Et dans la foulée de Creeping Death, on s'écoutera un titre de Valge Fruster, groupe de black allemand actif depuis 2005, ils sortent là leur 6e album studio. Du BM crossover atmosphérique, assez mélo et folk. Dans les inspirations, on peut retrouver un groupe tel que Imperium Decadence et voire même du Wolves in the Throne Room. C'est chanté en allemand avec quelques passages en chant clair. Ça rentre parfaitement bien dans chacune des compos et ça intensifie le côté épique. C'est une version édite pour le diff en radio qui fait un peu plus de 7 minutes puisqu'en réel le titre fait 10 bonnes minutes. Voilà tout d'abord donc Creeping Death et nouvelle EP The Edge of Existence, on va s'écouter le titre de cette EP. Et Valge Fruster, on s'écoutera le titre Im Herbergsager, extrait de leur nouvel effort studio Dawam. Good. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elmanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, émission en différé dans laquelle on attaque tout de suite le dernier quart d'heure. La dernière ligne droite avec une doublette de nouveautés encore. Tout d'abord, Paradox. La formation sort son nouvel effort studio Heresy, To End of a Legend. Qu'est-ce que donc Paradox ? Huitième album, voilà, pour le groupe qui nous fait du power trash speed à la sauce allemande, légèrement tech. L'album fait d'ailleurs référence à un premier album Heresy qui était sorti en 90. Un album copieux, bah, je dirais pas indigeste, mais bon, ça fait quand même 70 minutes. Les titres dépassent très souvent les 5 bonnes minutes. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Paradox ? Eh bien, tout simplement qu'on retrouve le mercenaire d'Obscura, Christian Munzer. Ça touche, voilà, tout simplement. Et un autre groupe de death metal, nouvelle formation, Atreabilis, ça nous vient du Canada. Récente formation formée en 2018, un premier EP en 2020, et là le premier album studio. Une nouvelle sortie de 20 Bucks Spin Record, rappelez-vous ce label qu'on a découvert il y a quelques mois et qui chaque mois nous sort un truc ultra quali. Là, Atreabilis, on est sur du tech death bien bien bien brutal, avec un côté légèrement blackening dissonant qui vient se greffer à l'ensemble pour ajouter à notre plaisir. Paradox, donc l'album est déjà dispo chez AFM Records. Atreabilis, l'album s'intitule Apex Sapien. On s'écoutera Lore Beyond Bone pour Atreabilis et juste avant ça Paradox avec le morceau Mountains and Caves. C'est parti. A noter que le Atreabilis sort le 8 octobre, ce sera donc une avant-première. I'm sorry. elle est déjà l'avant-dernière doublette pour l'émission de ce soir. Lang et Kryptos, deux autres nouveautés donc. Lang, c'est un projet black metal qui nous vient de Taïwan, actif depuis 2018. Ils sortent là leur second album studio. Un BM assez moderne au niveau de l'approche dans le son et dans les compos. C'est original dans le sens où c'était atmo, un peu folk taïwanais donc, et un chant qui s'oriente plus vers du hardcore black hardcore. Et les textes sont donc chantés en mandarin, ce qui rajoute encore plus au côté folklorique, on va dire, de leur black metal. Et ensuite, Kryptos, autre formation qui nous vient d'Asie. Là, on est sur un groupe de heavy thrash indien qui existe depuis 1998, bien inspiré par le thrash old school des années 80, au niveau du visu et du son. Ça n'apporte rien en termes de nouveauté, mais c'est vachement bien foutu et c'est surtout fait avec les tripes. Et encore une fois, c'est une formation qui nous vient d'Inde. Voilà, une doublette asiatique, et ben comme la doublette espagnole de tout à l'heure, c'est assez rare. Les présentations sont faites. Lang, l'album s'intitule Xinteng, on s'écoutera le titre Dongshang. Kryptos, Force of Danger, on s'écoutera le morceau Raging Steel. C'est parti. 醒的眼睛，我是自己失败，麻木表情，我拼全气，我是一个战友的本能。 Il est déjà l'heure de clôturer l'émission pour aujourd'hui. On va se quitter avec un tout dernier titre, Occulst, une bonne sortie encore une fois du très très bon label Everlasting Spew Records. Occulst, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est une jeune formation ricaine. C'est du death crasseux, old school, du cavern death, actif depuis 2019, après une série de démos et un premier album de putrid death, hein, à la croisée entre Incantation et autres formations type Undergang. Occulst, Crepitation and Phlegethon. On va s'écouter et donc se quitter tout de suite avec le titre Unction of Mulibrous Broth. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain. Ciao, ciao.